passent les dunes endormies. Les ombres s'étirent douce harmonie. Les étoiles brillent comme des secrets. La mer murmure ses vieux couplets. Chaque instant suspend son souffle sous un ciel où tout s'essouffle. La nuit danse en lente cadence, portée par une douce révérence. Les pas s'effacent sur le sable chaud. Les rêves s'élèvent, tout est beau. La brume voile l'horizon lointain sous un ciel teinté de satin. La lumière joue sur les flots calmes, emportant nos âmes en un doux charme. Les pas s'enfoncent dans le sable fin. Le temps s'efface loin du matin. Les souvenirs flottent légers et clairs comme des feuilles dans l'air. Les ombres glissent tranquilles et libres, portant nos peines et nos désirs. La nuit apaise, calme les cœurs, effaçant doucement nos douleurs. Le vent emporte les vieux regrets pour faire place à la liberté. Dans ce silence où tournait, on trouve enfin la paix. We drift through gentle fleurs, les visages, le temps s'arrête, de doux mirages, les voix se perdent dans le silence, portées par une tendre cadence, les reflets dansent sur la mer calme, chaque souffle apaise l'âme, on s'abandonne à ce doux voyage, loin des cris, loin des orages. Les étoiles brillent, guident muets, éclairant la voix des secrets, le monde respire en douceur. Les ombres glissent légères et libres dans ce monde qui se libère. Chaque souffle, chaque regard nous guide vers un nouveau départ. Les chaînes tombent, le cœur s'ouvre à l'espoir qui doucement s'éprouve. Le passé s'efface, la nuit s'étire. Dans ce silence, tout respire. S'efface doux et léger dans cette nuit où tout est vrai. Les rêves flottent légers et purs, portés par l'air, par l'azur. Chaque souffle est un voyage dans cet infini paysage. La mer chante ses secrets anciens, emportant loin les chagrins. Chaque vague est une promesse d'un futur plein de tendresse. La nuit emporte les douleurs passées, nous laissant enfin respirer. Dans ce calme retrouvé, l'espoir vient doucement s'installer. Les ombres dansent légères et libres dans cette paix qui nous délivre. On avance sans peur, sans poids, vers un futur rempli de joie. We drift through gentle haze.